Donc je vais commencer par les amis poissons, puisque ils sont toujours cités en fin de zodiaque. Alors je vais commencer par eux. Donc quel est le message de l'oracle de Béline pour nos amis poissons pour le mois de mai 2022? Les poissons. Que va-t-il se passer? Quel est le message du Béline? Alors, la coupe est très positive, elle indique de la satisfaction, une certaine paix concernant vos entreprises, vos initiatives, donc les activités en général. Que va me dire le tirage pour les poissons, mai 2022? Waouh, c'est plutôt sympa. Donc, apparemment, ami poisson, il va y avoir pas mal de satisfaction professionnelle, peut-être financière aussi, c'est sans doute les deux. En tout cas, il y a moyen de faire de bonnes affaires. On dirait que vous êtes bien aiguillé, peut-être bien conseillé par une femme de votre entourage qui vous veut beaucoup de bien. Ça peut être une amie, ça peut être une parente. Ça peut être une personne qui vous conseille dans vos activités. Et cela, eh bien, vous rapporte une bonne affaire, vous rapporte de l'argent, peut-être un engagement professionnel. En tout cas, c'est le moment de semer au maximum, puisque apparemment, vous allez récolter une belle satisfaction matérielle au mois de mai 2022. Alors, eh bien, allez-y, n'hésitez pas. À bientôt.